Daddy Steel Killer Steel Killer. Pourquoi ça voit des sons qu'a fait pom, pom, pom. Alors sous un meilleur qui sont qu'a fait pom, pom, pom. En gagne pas morceau pour nous faire pom, pom, pom. Nous qui fait pom, pom, pom. Nous qui fait pom, pom, pom. Pourquoi ça voit des sons qu'a fait pom, pom, pom. Alors sous un meilleur qui sont qu'a fait pom, pom, pom. En gagne pas morceau pour nous faire pom, pom, pom. Nous qui fait pom, pom, pom. Nous qui fait pom, pom, pom. Je crois que cette fois c'est fini. Pas de mytho, pas de port de sortie. À force d'esquive, à trop m'avoir allumé. Ce soir, je vais rentabiliser. Tu vas payer, meuf, je vais te canarder. Grâce à son dessin animé, y'a personne pour nous déranger. Tes cœurs, elles sont passées. Et ton fun tel, je l'ai planqué. Oh, le canapé, là, nous qu'elle fait pom, pom, pom. Quand il a pris si peu, nous qu'elle fait pom, pom, pom. Les anglais font pas, nous qu'elle fait pom, pom, pom. Nous qu'elle fait pom, pom, pom. Sainte mi touche, non pas ici, non pas comme ça, ça glisse trop sous la douche. Avec toi c'est le missionnaire, pas moyen par derrière. Mais ce soir t'es en enfer, j'suis Lucifer, t'es ma victime. Moi j'laisse la lumière, fin des préliminaires. Dorénavant j'la joue pervers.